Merci. Onecho minami kitisi. Aina yonde na jibo moi. Yalibela seko na seko. Merci. Oyo lobinde na kotosa. Oyo lakinde na kosi. Oyo salina kobombate. Kumisa manzambe na mawa. Natacholi na bomo. Yesu le bon. Natacholi na bomo ina. Yesu le bon. Aina lingie, Aina ba, Napoli na ba, Oya kocha na mote, Kaka yo, Osi osi lisa na posa, Nikolo ya mboli mbona yo, Kaka yo papa yo, Yesu yo, Nizibali ya mai na bomoy, Ifandolo ya babulami, Ekuke Angela na Lola, Bolingo ya bolenge wangai, Natanga te kombo mosusu, Pene pene ya kombo na yo, Lokola yo ako utawapi, Epana yo nyonso egoki, Natacholi na bomo, O Yesu de moko, Oh, kana ligie, Tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, si tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, si tu veux, oh Jésus. Si tu veux, oh Jésus, Mboloué, Mboloué, Mboloué, Mboloué, Mboloué, Kelekeli Mayele Abatio, Mboloué, Tala Moïbe à Kochi Lola, Sena Mboloué, Bisoto Komi Bana Zambé. C'est na Mboloué. Mboloué beti singa maboko. Hey Mboloué. Et beti singa mololo. Hey Mboloué. Tika na yemba Mboloué. Hey Mboloué. Bola mwele kiebele. Ele kiebele. Bola mwele kiebele. Ele kiebele. Bola mwele.